Donc, nous quittions Argote, qui se trouvait sur cette petite île entourée de d'un bosquet, où elle avait pu mettre au monde son fils et ses trois compagnes qui avaient été transformées en grenouilles, alors qu'elles auraient dû finalement rejoindre la déesse de la fécondité Erta dans les mers. Mais Erta lui avait fait grâce de ses trois compagnes, elle les avait laissées en vie, mais elle les avait transformées en batraciens. Elles étaient trois, et donc il y avait trois grenouilles qui accompagnaient en permanence Argote, la femme de Clodion. Revenons à Clodion. À la vue du bébé, Clodion resta froid. Les enfants n'avaient d'intérêt que lorsqu'ils commençaient à parler. Comment vas-tu faire pour le nourrir alors que l'autre n'est même pas sevré? Ne t'inquiète pas, j'ai trouvé une nourrice. Tu te prends pour une romaine? Je ne croule pas sous l'or. Une femme jeune, à la poitrine généreuse, entra au même moment, une grenouille sur l'épaule. Hildegonde, il a faim, va t'en occuper. Lui trouver un nom ne fut pas simple. Pharamond? Tu veux que je l'appelle Pharamond? Comme ton père? C'est non. Clodion n'aimait pas discuter de ces choses-là, mais appeler Pharamond un fils dans lequel il ne reconnaissait aucun de ses traits, c'était comme renoncer à toute paternité. Plus étrange, ses cheveux étaient d'un noir de jais qu'il n'avait vu ni dans sa famille, ni dans celle de sa femme. Il s'appellera Mérovée, un nom bien de chez nous. Argote sentit qu'elle devait se plier à cette décision sans appel. Mérovée vécut ses 17 premières années dans cet oppidum sur le bord du Rhin. Un endroit sinistre et dangereux, mais parfait pour se faire oublier de l'empereur et, mieux encore, du gouverneur de la province, en général un médiocre, arrivé à ce poste par calcul et qui dardait de flèches n'importe quel militaire un peu ambitieux, surtout lorsqu'il était franc. Théodemir, le père de Clodion, s'il n'était plus consul depuis longtemps, était toujours une proie potentielle des nombreuses cabales qui agitaient l'entourage de l'empereur et étendaient ses miasmes jusqu'aux confins de l'Empire. Et ce qui devait arriver arriva. En 428, un messager remit à Clodion un papyrus disant: Clodion, ta grand-mère et ton père ont été retrouvés sans vie. L'enquête est en cours. On soupçonne des tueurs à gages, mais on ne sait pas à la solde de qui. Viens vite, salut, Sylvanus. Ce qu'il redoutait était arrivé. À peu près en même temps, il reçut un nouvel ordre d'affectation. Le général Aësius lui demandait d'accepter une mission dangereuse, mais nécessaire pour le salut de Rome. Surveiller la frontière avec la Germanie depuis le fort de Dispargum, de l'autre côté de l'épaisse forêt charbonnière. Il quitta la place avec ses hommes, sa famille et celle de ses officiers. Il donna le choix à ceux qui avaient déjà une longue expérience militaire de rester sur place ou de rejoindre les troupes auxiliaires d'Aësius et s'enfonça avec sa petite troupe dans l'épaisse jungle frontière. Le voyage ne fut pas si pénible puisqu'il y avait une voie romaine construite à l'époque où la Germanie impériale s'étendait beaucoup plus vers l'est. Quand il arriva en vue du fort, il s'attendait à ne voir que ruines fumantes. En effet, les Germains considéraient que c'était chez eux et que les Romains devaient se tenir de l'autre côté de la forêt. Mais les palissades de bois de l'oppidum tenaient bon. Au pied de la colline, de la fumée sortait des toits de chaume. Dispargum était occupé par une toute petite garnison d'auxiliaires pictes. Soulagés d'être relevés de leur poste, une conversation en très mauvais latin s'engagea avec les nouveaux arrivants. Ils disaient n'avoir pas été dérangés outre mesure, ni par la population locale, avec laquelle ça se passait bien, ni par des incursions ennemies, trop rares à leur goût. Ils avaient même commencé un fructueux commerce avec les Germains d'en face, cela expliquant peut-être ceci. Les peuples heureux n'ont pas d'histoire. La bonne humeur des Pictes remonta le moral des Francs, et après avoir enfermé les femmes d'officiers dans l'appartement qui leur était réservé, les hommes, chacun selon leur rang, se mirent à boire moult cervoises et à manger qui du bœuf, qui du porc, qui du mouton. Le lendemain, les Pictes, qui avaient fait forte impression sur les femmes franques, quittèrent le fort et partirent en direction de la forêt. Commença pour Clodion une période éprouvante. D'abord, il ne se passait rien. Il ne voyait venir que des commerçants francs dont les papiers étaient en règle et que les habitants francs aussi, mais se considérant romains, accueillaient avec d'autant plus de plaisir que c'était l'occasion de trocs interminables. Il écrivait au gouverneur pour savoir s'il y avait quelques enseignes à reprendre aux barbares. Il reçut une réponse amusée de celui-ci disant que la dernière enseigne avait été reprise par l'empereur Claude, mais qu'il pouvait toujours aller discrètement faire le tour des sanctuaires et rapporter le casque de Varus s'il s'y trouvait toujours. Le moment le plus dur fut la visite de son beau-père. Grand, beau, regard d'acier, bouche qui se tordait souvent dans une moue d'indignation, Clodion se sentait en face de lui une boule hirsute et agitée. Il lui en voulut d'autant plus que le temps de sa visite, sa femme lui parut comme inaccessible, nimbée de mystères, détentrice de secrets inavouables et bien sûr plus désirable que jamais. Ce coin de frontière est calme, je vois. Tu ne t'ennuies pas trop ? Commence Pharamon. J'avoue que je préférais les frisons. J'ai appris pour ton père. Triste, triste. Oui, et surtout, nous ne savons pas pourquoi il est mort. Il ne participait plus à aucune intrigue. Je ne comprends pas. Il a participé à des intrigues. C'est déjà trop. Avec les Romains, si l'on soulève le couvercle, c'est tout le malheur qui s'abat d'un coup. Croisons mon expérience. Si tu ne connais personne dans l'entourage de l'empereur pour te défendre efficacement, toi, le franc, tu es mort. Et quand je dis une personne pour te défendre efficacement, je parle d'un Romain, évidemment. Médite sur l'exemple de Clodius Silvanus. Il avait de très bons amis, mais tous francs, aucun Romain. Il est mort et ses alliés avec lui. Non. Nous, les Francs, dans l'Empire romain, nous ne serons jamais que l'avant-dernière roue du carrosse. Clodion ne pouvait ressentir autre chose que de l'humiliation. Pharamon le toisa pour mesurer son effet et continua. Tu es un soldat et tu ne te bats pas. Si tu ne réussis pas par les armes, essaye les affaires. Tiens, regarde le chef des Saliens de Taxandrie. Tous ces hommes, il les a transformés en d'habiles ouvriers, et le voilà qui exploite pour le compte de Rome des terres sablonneuses. Il touche une partie des bénéfices qu'il redistribue aux chefs de famille, et après s'être servi, il envoie la différence à l'empereur. Je ne dis pas qu'il est riche, mais c'est un exemple qui vaut la peine d'être suivi. Je ne suis pas un affairiste, je suis un militaire. Alors deviens général dans la Légion. Ou sinon, rejoins tes frères qui ne se sont pas compromis avec Rome. Clodion vit comme un éclair de haine traverser les yeux de son beau-père. Il n'avait pas pardonné, peut-être, la mort de ses cousins, Marcomyr et Sunon. Père assassiné, beau-père résolument du côté de l'ennemi, Clodion déplace insensiblement son regard vers l'intérieur du limès. Peut-être qu'il pourrait là assouvir son ambition d'avoir un territoire à lui, de n'être pas le franc de service, mais un franc égal aux Romains. Même, pourquoi pas, un franc qui fût supérieur aux Romains. Il décida d'envoyer des espions, non du côté de la Germanie, mais de l'autre côté de la forêt, de la Charbonnière, vers la Belgique première et seconde. Un matin de 432, apprenant que ces provinces du nord de l'Empire étaient dépourvues de forces armées, le général Aesius ayant dégarni la frontière pour se battre contre les Huns, Clodion quitta discrètement l'oppidum de Dispargus, retraversa la forêt en empruntant la voie romaine et, arrivé à découvert, après avoir fait une habile politique de recrutement pour grossir ses troupes au plus vite, s'empara des villes de Tournai, Cambrai et Arras sans violence. Il fit immédiatement lever un impôt qui permit de rémunérer ses hommes et installer un embryon d'État. Aesius n'était pas là. Mais le général n'avait pas pour autant renoncé à punir cette usurpation. Quelques années plus tard, en 448, alors que Clodion assiste aux noces d'un de ses officiers dans le bourg d'Héléna, près d'Arras, Aësius et son lieutenant majorien, futur empereur, attaquent. Une journée qui commençait au son de la flûte et au rythme de la bourrée s'achève piteusement par une fuite éperdue. Mais Aësius sait qu'il ne peut gouverner ce territoire sans l'aide des Francs. Il fait donc signer à Clodion un traité de Fédus, où il lui reconnaît le droit d'occuper une région allant de Cambrai à Arras avec Tournai pour capitale. Clodion obtient en outre le titre de roi des Francs et devient le gouverneur de la province qu'il a conquise et qui sera transmise à ses descendants sous le nom de Belgique seconde. Pour Clodion, le franc, c'est une réussite. Avant sa mort aux environs de 450, Clodion aura eu le temps de diviser son royaume en trois parts, selon la coutume franque. La part la plus importante, comprenant la ville de Tournai, aurait été donnée à son fils Mérové. Or, cette part exorbitante est toujours réservée à l'aîné, ce qui suppose qu'à cette date, Mérové est l'aîné de la famille. Son grand frère Clodoald étant mort, la ville de Cambrai et de Tongres sont données à ses deux autres frères. La suite dans le prochain podcast. Merci et à bientôt.